Chapitre 28e. Le lendemain, vers 2 heures, Claire et sa sœur sortirent de la maison pour aller à la Sainte-Chapelle. La journée était fraîche et ensoleillée. Soutenue par l'air vif et pur, les jeunes femmes marchèrent d'un pas alerte jusqu'au détour du pont, puis Marguerite, soudain lassée, ralentit sa marche et prit cet air de résignation patiente qui était devenu l'expression ordinaire de son joli visage amaigri. « Nous avons commencé trop vite, » dit Madame Langlois avec douceur. « C'est un tort. Veux-tu nous reposer ?»« Non, » dit faiblement la jeune fille en se redressant avec effort. « Continuons à marcher. Ce n'est qu'une faiblesse. Cela va passer. » Claire passa le bras de sa sœur sous le sien. Pour la contraindre à s'appuyer, si elle en éprouvait le besoin, ils continuèrent d'un pas plus sage le long du quai tranquille. La rivière, profondément encaissée, était semée de paillettes. L'eau semblait rire et cette gaieté du jour donnait à Marguerite une envie de pleurer profonde et irrésistible. Elles passèrent ainsi le long de la cathédrale, puis traversèrent le parvis, pour gagner l'entrée directe de la Sainte-Chapelle. Au moment de traverser le boulevard du Palais, Marguerite s'arrêta, un peu effrayée par le bruit et le mouvement relatif qui succédait au calme des quais déserts. Claire l'imita, et ils attendirent pour traverser qu'une file de lourdes charrettes eut fini de passer. Tout à coup, la jeune fille trembla violemment, comme si on l'avait secouée par les épaules. « Qu'y a-t-il ? » demanda Claire, effrayée. Au lieu de répondre, Marguerite l'entraîna sur la chaussée sans souci des voitures, et Madame Langlois ne put rassembler ses idées que sur le trottoir opposé, où elles restèrent toutes les deux tremblantes et interdites comme s'ils avaient commis un crime. « Qu'y a-t-il ? Qu'est-il arrivé ? » répéta Claire, en voyant sa sœur regarder autour d'elle avec inquiétude. « J'ai vu André. Je suis sûr que je l'ai vu, » insista Marguerite, les yeux démesurément agrandis par l'émotion. « Où ? Ici ? J'ai couru vers lui, il n'y est plus. » Claire eut peur. Elle se dit que sa sœur venait d'être victime d'une hallucination, et son cœur se serra à la pensée des dangers qu'allait entraîner ce nouveau symptôme du mal. Elle regarda la jeune fille avec des yeux pleins de pitié. « Je sais ce que tu penses, » dit celle-ci avec un triste sourire. « Tu crois que c'est une vision ? J'en ai eu des visions, j'en ai encore souvent. Mais c'est la nuit, quand je suis seule. Aujourd'hui, j'ai vu André, comme je te vois. Il est sans doute entré au palais. Peut-être pour des choses relatives à son procès. Il est là, oh Claire. Si je pouvais le voir, lui parler une seule minute. Cela te ferait beaucoup de mal, ma sœur chérie. N'essaie pas de le faire, je t'en conjure. Claire. » Les yeux suppliants, la voix émue, mouillée de sanglots, le teint soudain illuminé d'une rougeur transparente, la jeune fille était l'incarnation de la prière. Claire faiblit. « Mais le voir, où, dans la rue? Et si tu perds tes forces? Si tu t'évanouis, que ferons-nous ? » La rougeur des joues disparut, les yeux éteignirent leurs flammes, les mains jointes et serrées l'une contre l'autre se dénouèrent découragées, et Marguerite ne fut plus que l'ombre pâlie de ce qu'elle venait de se montrer. « Cela m'aurait été égal de mourir après, » murmura-t-elle. Claire l'entraîna doucement vers la Sainte-Chapelle. Marguerite se laissa faire sans résistance. Elle était redevenue passive. Elles firent quelques pas dans la crypte et s'efforcèrent de s'intéresser à ce qu'elles avaient sous les yeux. Mais ni l'une ni l'autre n'avaient l'esprit présent. Au bout d'un instant, elles montèrent l'escalier qui conduit à la partie supérieure du monument. Par instant, Claire sentait chanceler le corps fragile de sa sœur. Elle se demandait comment elle la ramènerait à la maison, quel serait le résultat de cette épreuve inattendue, et son cœur inquiet pressentait déjà le pire dénouement lorsqu'elles entrèrent dans la chapelle. La hauteur énorme des colonnettes, la coloration mystérieuse des vitraux, le silence et la paix de ce lieu unique au monde, furent un calmant pour leurs nerfs surexcités. Elles s'assirent côte à côte sur le banc de pierre qui court le long de la muraille et levèrent les yeux vers la voûte. Elles étaient seules. Le gardien pérorait au dehors, et par intervalles on entendait sa voix sonore. Le soleil traversait les vitraux sombres, jetant çà et là des lueurs d'une étrange vivacité. Les personnages peints prenaient des formes inattendues, selon que la lumière mettait en relief telle partie de leur corps ou de leur ajustement. Une cuirasse d'or ciselé donnait une merveille de netteté, tandis que le visage du chevalier qui la portait n'était qu'une ombre obscure. Tout près, une figure de femme, tournée avec angoisse vers un objet invisible, apparaissait presque vivante, empreinte d'une horreur sacrée. Une vie singulière, presque effrayante, animait certaines parties du vitrail aux dépens du reste. L'encadrement, riche et sombre, semblait une bâche de micelle, grandie jusqu'au gigantesque pour quelques lutrins monstrueux. « C'est beau, n'est-ce pas ?» murmura Claire en suivant les yeux de Marguerite qui témoignait de l'intérêt pour la première fois depuis bien longtemps. « Oui, c'est beau. » Quelle tombe cela ferait pour un héros ?« Quel paradis plutôt pour une fête joyeuse ?» répondit Claire. « On m'a dit, je ne sais si c'est vrai, que l'architecte de cette merveille y fut marié sous les yeux du roi Saint-Louis. Si ce n'est qu'une légende, elle est jolie, et elle mériterait d'être vraie. » Claire n'avait pas plus tôt parlé qu'elle se repentit de cette allusion à un mariage. Elle regarda sa sœur avec inquiétude, puis, au lieu de l'expression de fatigue douloureuse qu'elle craignait de voir sur ses traits, elle y vit la plus douce extase. Le visage tourné vers la porte qui mène au palais, les mains demi-soulevées, comme pour s'envoler, Marguerite souriait. Les yeux humides à demi-clos, elle avait l'air d'avoir peur d'effrayer un rêve encore insaisissable. Claire suivit son regard et sur le seuil de la porte, elle aperçut juste André. Il était trop tard pour empêcher les jeunes gens de se voir, et même, si elle l'avait pu, Madame Langlois ne se sentait plus le courage de les séparer. André s'approcha rapidement de Marguerite, qui était restée assise, et lui prit les deux mains sans proférer une parole. Ils restèrent ainsi un instant, éblouis, enivrés, oubliant tout, même Claire. Ils s'étaient enfin retrouvés. Le passé n'existait plus. Pas plus que l'avenir. Leur présente absorbait tout dans son rayonnement. Madame Langlois hésita une seconde, puis, sans affectation, elle se leva et s'écarta un peu. Sa sœur ne s'en aperçut même pas. André la remercia d'un sourire, et sans quitter les mains de Marguerite, il s'assit auprès d'elle. Elle se tourna doucement vers lui sans cesser de le regarder. « Marguerite, » dit-il d'une voix contenue, où frémissait une indicible passion. « Marguerite, je vous avais vue. Je pensais que vous veniez ici, je voulais vous y rencontrer. Nous n'avons pas été séparés, n'est-ce pas, ma chère âme? C'est un mauvais rêve. C'est maintenant qu'est la réalité, dites. » Elle souriait toujours. Elle inclina doucement la tête avec un mouvement de tendresse et de confiance absolue. « Vous savez bien que je vous aime toujours, n'est-ce pas? Que je ne vous ai jamais tant aimé. Oh, ma chérie, le moment où j'ai vu votre place vide, là, » il indiquait le palais de justice, « j'ai cru que mon cœur se briserait et que j'allais tomber mort. » Elle suivait sur ses lèvres le mouvement de ses paroles, comme si elle avait craint de les perdre en détournant les yeux. « Vous n'avez pas douté de moi, dites. Je suis contraint de vivre avec cette femme, mais vous savez bien que je ne puis la souffrir. » Qu'elle est pire qu'une étrangère pour moi, c'est une ennemie. » Marguerite frissonna, et ses yeux interrogèrent André. « Non, elle ne me veut aucun mal, et je ne puis lui témoigner de mauvais sentiments, car elle fait ce qu'elle peut pour m'épargner de nouvelles peines. Mais c'est une ennemie, puisque c'est elle qui nous sépare. Vous portez le deuil, Marguerite, mon deuil ?» Elle fit signe que oui. « Il ne faut plus le porter, je suis vivant, et je vous aime. Notre amour est vivant, Marguerite. » Et personne ne peut nous l'ôter. On aura beau faire. Nous nous aimons toujours, n'est-ce pas? Parlez-moi donc, que j'entende votre voix si douce, si profonde, que j'aime presque autant que vos yeux. Parlez-moi donc. » « Je ne peux pas, » firent les lèvres de la jeune fille, mais elle ne proféra aucun son. André, effrayé, se tourna vers Claire qui s'approchait. « Je ne peux pas parler, » répétèrent les lèvres muettes de sa sœur. « Cela ne fait rien. N'y faites pas attention, c'est la surprise. » Bouleversé, le jeune homme se pencha vers elle. « Ma chérie, » dit-il en lui serrant plus fortement les mains, « que vous avez souffert. Cela se voit sur votre visage, surtout votre pauvre être charmant. Il faut vivre, Marguerite. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Il faut vivre et nous aimer. J'aimerais mieux mourir, » firent les lèvres de la jeune fille. André devina, au mouvement des lèvres, ce que Marguerite voulait dire. « Mourir? Vous n'y pensez pas ? » dit-il en la serrant sur sa poitrine. « Il faut vivre. Nous serons heureux. Un jour, vous verrez. » Marguerite sourit d'un air résigné et passa lentement sa main sur le visage d'André avec un geste d'enfant timide. « Oui, moi aussi, j'ai maigri, j'ai changé, j'ai vieilli. Mais je lutte avec la vie. Il faut lutter, ma chère. Il faut livrer vaillamment notre grande bataille. » Elle fit un signe de tête affectueux, puis par degrés, mais très rapidement, ses yeux se ternirent. Son sourire s'effaça, ses mains se glacèrent, et elle perdit contenance. André joignit ses mains autour d'elle et l'empêcha de tomber. Claire poussa un cri de terreur qui rappela le gardien à son poste. on envoya chercher une voiture qui pénétra dans la cour, et André, portant délicatement Marguerite, les déposa près de Claire en refusant tous les soins offerts. « Mon mari est médecin, » dit Claire, qui avait une peur superstitieuse de voir sa sœur livrée aux mains d'un inconnu. Elles furent bientôt devant leur maison. Au moment où la voiture s'arrêtait, André se trouva à la portière. Il les avait suivis dans un autre fiacre, et il monta la jeune fille, toujours évanouie, jusqu'à leur appartement. Langlois, heureusement, venait de rentrer. En quelques instants, il eut rappelé Marguerite à la vie. Elle ouvrit les yeux et sourit à ceux qui l'entouraient, mais portait la main à sa gorge pour indiquer qu'elle ne pouvait parler. André attendait, anxieusement penché sur elle, et sa présence paraissait si naturelle en ce moment que Langlois n'avait même pas pensé à demander comment elle se trouvait là. Ce n'est qu'en s'informant des motifs de cet accident qu'il apprit la rencontre. Il fronça le sourcil. « Il y avait de quoi la tuer, » dit-il, « et rien ne dit que nous la sortirons de là. » Alors, dit résolument André, « je ne la quitte plus. » Le docteur lui mit la main sur le bras. « Soyons sérieux, » dit-il de son ton le plus froid. « Tu comprends bien que nous ne la laisserions pas mourir sans te prévenir. Je peux parler de cela devant elle, parce que je sais qu'elle n'a pas peur de la mort, n'est-ce pas, Marguerite ?» Elle sourit faiblement avec un geste de dénégation et ses yeux se reportèrent sur André. « Mais elle peut vivre. J'espère même bien qu'elle vivra. Et il faut songer à l'avenir. Tu ne peux pas rester ici avec ta femme sous ton toit. C'est impossible. Sois raisonnable et va-t'en. J'ai assez de chagrin sans que tu m'en causes encore par ta résistance absurde. » André hésitait, regardant tour à tour la jeune fille et son amie. Tout à coup, il se pencha sur le canapé où elle était étendue et imprima sur ses lèvres un baiser fou. Elle se souleva sur le coude et avec un effort inouï. « Obéissez, » dit-elle d'une voix encore faible, mais distincte. Le docteur poussa un grand soupir de soulagement. « Allons, » dit-il, « ce n'est que nerveux. Nous en viendrons à bout. Revenez demain, » dit doucement Marguerite. « Ce soir, » répondit André. Le docteur ne dit pas non.